travailler remix. J'appelle mes soldats, Hiro le coq, J-Max, Prince Parolier, le lyriciste Pantou, Nana, que Black, à ce qui paraît, on est équipé, que Black et Nana, de qui n'a pas un ambiance, la foule et la concute vient zinzin, Inou Dongola, Macron contrôle la nezo, Inou Dongola, dans le game comme à la maison, c'est le remix des remix, j'ai pas les mots, on t'ambiance comme jamais, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots, ma. On est équipé, on est équipé, on est équipé, on est équipé, on est équipé, on est équipé, on est équipé, on est équipé, on est équipé. Dis la paix, je suis équipé. Personne peut tester pour ma écrasée, ton cul même sans pitié. T'as pas ma porte parce que je suis chinois. Des points de honte au prix de ton moyen. La grippe pour la maille en tapas. J'fais la mala dans les nanas. Boum le danse comme un moulouba. Monument comme Papa Wemba. Pour les riches, mais je savais comme vos loulous. T'as reconnu la c'est mais c'est loubou. Peur de te faire recaler. T'as des pas devant le buteur. Allez, vipa et vipé. Montre comment ta pérégrine t'équipe. On est bazardé, ça fait que c'est comme un coloriage. On est équipé, on est équipé, on est équipé, on est équipé, on est équipé, on est équipé, on est équipé, on est équipé. Youssoufa, aïe, Hiro le coq, aïe, Dieu Black Pé, aïe, Jésus des Nazareth, aïe, chaussures en croco, le logo, tu reconnais, on est équipé. Contrôler notre primage, on vit la nuit jamais matinale. Entre les blés d'arénée, si mal pourtant j'ai versé des perles là.